Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International à Belle Église Kodesh. Cet enseignement donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Lady Reverend Grace Irene. Enseigne-moi. Est-ce qu'elle est merveilleuse dans ta vie? Parce qu'elle est vraiment merveilleuse. Alléluia. Et ce matin, nous avons le privilège d'être dans la présence d'un Dieu qui est si grand, qui est si majestueux, qui est si puissant, qui connaît ta situation là où tu es. Alléluia. Et il est prêt à te donner une parole qui t'aidera à survivre la vie chrétienne. Alléluia. Il a bien oint sa servante avec une parole dans sa bouche pour toi. Dis à ton voisin, ne me dérange pas. Laisse-moi focaliser sur la parole. Alléluia. Parce que Dieu est prêt à te parler. Ne pense pas que si les pasteurs ne connaissent pas ton nom, Dieu ne le connaît pas. Il connaît ton nom. Alléluia. Et il veut te parler ce matin. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on se lève. Nous allons accueillir sur cette estrade notre pasteur principal, la sœur Lady Reverend Simone. Come on. Let us pray. Père, merci pour cette opportunité d'écouter ta parole encore une fois. Merci pour ta grâce, ta faveur, ta miséricorde. Seigneur, couvre-nous par ton sang précieux et délivre-nous du mal. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus. Amen. Matthieu 6, verset 9. Nous sommes toujours au sujet de la prière et nous allons continuer. Alright? Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Amen. C'est une prière que nous connaissons tous. Et c'est le modèle que le Seigneur Jésus a donné aux disciples quand ils ont demandé à Jésus de leur montrer comment prier. Et pendant cette année de 2014, l'année de prière de notre Église, je sais que nous allons tous devenir des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Il n'y aura pas seulement un ministère de guerriers de prière, mais nous tous serons des guerriers, Dieu c'est guerrière, des guerrières, ok, de prière. Alléluia. Nous allons prier. Et comme vous savez, pendant les deux semaines, trois semaines à venir, nous allons jeûner et prier pour donner une direction à l'année 2014 dans nos vies. Nous n'allons pas dépendre au hasard. Durant cette année, nous serons dirigés par la volonté de Dieu. Amen. Donc, profitons-en et prions. Parce que seuls, nous ne pouvons pas prier 100 heures. 5 heures par jour. Amen. Nous allons prier, nous allons veiller, nous allons jeûner. Et je crois que si nous sommes sérieux, nous serons des êtres spirituels. Amen. Et beaucoup de choses seront accomplies dans nos vies. Amen. Donc nous allons suivre le modèle que Jésus nous a donné dans la prière. Amen. Pour commencer, alors que nous prions, il faut que nous ayons un schéma à suivre. Nous ne pouvons pas prier dans l'air comme ça. Parce que si on prie dans l'air, après 5 minutes, serait fini. N'est-ce pas? Et cette année, nous allons prier au moins seul. Nous allons prier au moins 2 heures. Seul. Amen. C'est une bonne idée. Beaucoup d'entre nous, vous ne croyez pas. Je pense qu'après le 4e rangée, les gens ne croient plus. C'est pas vrai. Ok. Nous allons prier. Amen. Ok, pas le 4e rangée. Ici, là. Ils ne croient pas à la prière. Ok. Donc, premier modèle, selon le modèle, le premier sujet de notre prière, comme on a vu pendant le premier culte, c'est le Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. De rendre grâce et d'adorer le Seigneur. Deuxième sujet, c'est que ton règne vienne. Amen. Donc, nous allons prier pour que le royaume de Dieu vienne sur cette terre, vienne sur nos vies, viennent dans nos familles, que Dieu soit au contrôle. Ça, c'est la prière. Ok? Troisièmement, nous allons prier pour la volonté de Dieu. Et ça, c'est un sujet très important. Si j'étais vous, j'allais passer au moins 1 heure ici. Au moins 1 heure, ou minimum 30 minutes sur ce sujet. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Si vous priez pour la volonté de Dieu, vous serez en paix. Quand certaines choses vous arriveront, vous allez dire, j'ai prié et je sais que Dieu est au contrôle. Je ne sais pas pourquoi il me fait passer par ces choses ou par cette situation, mais je sais qu'à la sortie, à la fin, il aura toute la gloire. Amen. Et moi, je serai béni si seulement je persévère. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Alright? Donc, nous allons continuer. La volonté de Dieu ne peut pas arriver comme ça, comme par hasard. Sinon, Dieu n'allait pas nous demander de prier, number one, et Jésus n'allait pas prier pour la volonté de Dieu. Sinon, nous allons tous nous lever et puis la volonté de Dieu sera faite. Nous devons demander et prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Amen. Et vous allez faire cette prière si vous croyez que Dieu, la volonté de Dieu pour nous, c'est une bonne volonté. Alléluia. Vous allez prier si vous croyez en Jérémie, je crois que c'est le 29-11, hein, que vous croyez dans ce verset. Amen. Que les projets, les plans que Dieu a pour nous sont de paix, des projets de paix et non de malheur. Amen. Ça c'est un verset que vous devez ajouter à votre prière. Quand vous priez pour la volonté de Dieu, vous dites, Seigneur, ta volonté, et tu as promis que ta volonté comprend des projets de paix et non de malheur pour moi. Donc je te fais confiance. Alléluia. Amen. All right. Quatrième sujet de prière. Même si vous passez 10 minutes par sujet, vous allez faire au moins 1 heure et demie. Ok? Et puis les 30 minutes qui vont rester, vous allez bénir Dieu. Vous allez chanter. Vous allez revenir sur certaines prières. Alléluia. C'est possible. C'est possible. Mais il faut dormir tôt. Yeah. Ceux qui ont l'habitude de suivre des films, Chewa, Part 1, 2 and 3, avant de dormir, ça serait difficile pour vous de prier. Yeah. Quatrième sujet, c'est notre pain quotidien. Matthieu 6, 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a certaines versions qui disent notre pain de ce jour. Tous les jours, tu dois manger. Tous les jours, tu dois manger. Et quand tu manges, tu dis, donne-moi, Seigneur, le pain de ce jour. Pain quotidien. faut varier un peu. Pas toujours manger le pain. Donne-moi aujourd'hui le pizza d'aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui le steak d'aujourd'hui. Il faut commencer par le pain. Si vous n'avez pas la foi pour le pain, vous n'aurez pas la foi pour le steak. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Le pain représente ce dont tu as besoin pour vivre. Amen. Pour vivre. Je crois que le pain quotidien de tout un chacun est différent. Mon pain quotidien, peut-être, c'est différent du pain de Jesse. Amen. Même au naturel, ou dans le monde, tout le monde a une préférence. Les francophones aiment les baguettes. Nous, au Ghana, on aime le sugar bread. Sugar bread. C'était même au Ghana, c'est butter bread, sugar bread, tea bread. Brown bread. Yeah. Donc, ton pain est différent du mien. Mais en tout cas, il faut qu'on mange. Quand tu pries le Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin pour vivre. Pour certains, c'est une prière littérale. Do you understand? Parce que je ne sais pas ce qui m'attend demain. Je ne sais pas ce que demain va me présenter. Aujourd'hui, j'ai besoin de pain. Seigneur, ça viendrait de toi. Amen. Peut-être votre pain n'est pas manger physique. Peut-être c'est de l'argent pour payer les frais scolaires. C'est un besoin. Donne-moi aujourd'hui le pain. Le pain, c'est un besoin que tu as pour survivre. Alléluia. Donc, fais ça ou mets ça dans votre prière. Et est-ce que le Western va arriver aujourd'hui? Ça, c'est pas une prière. Est-ce que la famille va se souvenir de moi aujourd'hui? Ce n'est pas une prière. Amen. Donne-moi aujourd'hui. Seigneur, envoie le Western aujourd'hui. Que le Western vienne aujourd'hui. À 11h. Amen. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Amen. Donne-moi aujourd'hui. La Bible n'a pas dit s'il te plaît ou s'il plaît à Dieu, si c'est dans ta volonté, si cela t'est agréable, donne-moi. Non. Donne-moi aujourd'hui. Ça veut dire que tu as un certain droit à recevoir un pain aujourd'hui. Tu as un certain droit si tu es enfant de Dieu. Si tu peux l'appeler Père et il te reconnaît. Amen. Tu as un certain droit. Mes enfants ont le droit de manger chez moi. Je suis obligée de leur donner à manger. Si je ne donne pas à manger à mes enfants, je suis coupable envers l'État, envers Dieu. Amen. Il y a eu un département, un ministère tout entier qui est responsable pour le droit des enfants. You understand? Donc, ils ont droit de manger chez le parent. Amen. Donc, si tu demandes à ton père le pain quotidien, il est obligé de te donner le pain. Amen. Priez que vous soyez des parents qui sont en mesure de donner du pain à vos enfants. Amen. Mettez ça dans la prière. Parce que beaucoup d'entre nous, nous souffrons parce que nos parents ne sont pas en mesure. Ils n'ont pas pris des bonnes décisions lorsqu'ils étaient jeunes. Donc aujourd'hui, c'est nous qui souffrons. Pour avoir le pain quotidien, c'est un tout un palabre. Pour avoir notre pain quotidien, c'est comme si on demandait de l'or et de l'argent de la reine d'Angleterre. Juste un pain quotidien pour manger. C'est un peu un problème. Pourquoi? Parce que certaines personnes n'ont pas fait de bons choix. Donc quand vous priez pour votre pain quotidien, vous êtes aussi en train de prier pour le pain quotidien de vos enfants et des enfants de vos enfants. Amen. Are you with me? Donne-nous. Nous, c'est nous. C'est pas moi et Jeff. C'est moi, ma famille. Jeff, je ne sais pas s'il a mangé ce matin. Je ne sais pas s'il a mangé hier. J'espère qu'il a mangé. Il a bonne mine, donc je crois qu'il a mangé. Mais je ne sais pas. Donne-nous aujourd'hui, si tu prie pour ta famille. Prie aussi pour ta famille. Prie pour que tes parents ont de l'argent, de moyens, le moyen de prendre soin de vous. Faut pas seulement demander. Ah, tu as promis le Western, c'est pas encore arrivé. Vous savez, c'est la galère, hein? C'est la galère ici, c'est la galère ici. Est-ce que tu as prié pour ta famille? Est-ce que tu as prié pour ton père? Pour qu'il ne perde pas son travail? Est-ce que tu as prié pour ta mère? Pour qu'elle soit en bonne santé? Non. Tout ce que vous faites, c'est, le Western est en retard. Le Western. Est-ce que vous savez de quoi il passe pour t'envoyer le pain? Quand tu pries, donne-nous aujourd'hui. Le pain ne va pas arriver dans avec la pluie. Priez pour les parents. Ajoute ça à la prière. Et donne-nous aujourd'hui le pain. Aujourd'hui, hier j'ai mangé le pain, donc aujourd'hui c'est le croissant que je veux. Non, prie pour les parents. Prie pour les parents. Si tu as des parents qui sont, excuse me, but ils sont irresponsables, priez. Pour qu'ils soient responsables. Priez pour la sagesse au lieu de les insulter. Oh, si mon père était comme le père de Soso et So. Non, priez. Oh Seigneur, donne mon père de la sagesse. Quand il aura l'argent, qu'il pense un peu à moi. Donne-lui la sagesse de pouvoir gérer son argent. Parce que certains d'entre vous, vos parents ont gagné de l'argent dans le passé. Mais aujourd'hui, on ne voit pas. Certains d'entre vous, vous avez vécu dans le passé. Mais là maintenant, les robinets sont fermés. L'eau est finie dans le robinet. C'est comme au Ghana, tu ouvres, il y a un beau robinet, tu ouvres, il n'y a rien. Priez. Priez pour vos parents. Pour qu'ils soient en mesure de vous envoyer. Priez pour qu'il soit en bonne santé. Viens, allez, dis pas ça, mon père, il est méchant. Oh, il est méchant. Mais s'il meurt aujourd'hui, ta vie va changer. Peut-être c'est pas ton père biologique, mais c'est lui qui représente ton père. Peut-être c'est maman. Priez. Même si elle n'envoie pas tous les mois, elle envoie tous les 3 mois. Priez. Il y a certains qui n'ont pas reçu depuis 2011. Yeah. Depuis 2011, toi tu n'as pas reçu depuis 31 décembre. Tu te plains. Hier c'est en retard. Normalement c'est tous les la fin du mois il n'a pas envoyé. La fin du mois il n'a pas envoyé. Tu sais la fin de quel mois l'autre n'a pas reçu. Depuis quel mois et quelle année? Priez. Priez. Donne-nous aujourd'hui. Donne à mon père la force de pouvoir travailler. Donne à ma mère la santé pour qu'elle ne soit pas malade pour dépenser à l'hôpital. Priez. Vous dites que vous n'avez pas de sujet de prière. Vous mentez. Vous avez beaucoup de choses à dire. Oh, again. This thing always falls down in church. Il y a certains démons qui cherchent mon bouc d'oreille. Tu n'auras rien. Amen. Are you listening to me? La prière d'une heure, ce n'est rien. If you think about it. If you think about it, ici là, nous aujourd'hui, ça peut durer même des semaines. Yeah, tu vas prier jusqu'à ce que le Western arrive. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Et certains d'entre nous, vous êtes trop gourmandes. Vous êtes trop, vous cherchez trop. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu a promis, je vais donner la manne tous les jours. Tous les jours, je vais fournir, je vais donner. Ne vous inquiétez de rien. Faites-moi confiance. Quand la manne tombe, prends pour le jour. Mais, puisqu'ils n'avaient pas la foi, vous les ramassez. Gardez assez pour demain. Et après demain. Juste au cas où Dieu oublie. Juste au cas où. Au cas où. Et la Bible nous dit que le matin, quand il se réveille, qu'est-ce qui se passe à la main? Ils deviennent de verre. C'est pourri. It's destroyed. Dieu veut nous bénir. Mais lorsque nous sommes trop égoïste et trop gourmand, avare, avide, cupide. What are the words you give me? Ça va tourner en mal. Et certains d'entre nous, nous n'avons pas certaines bénédictions parce que Dieu sait. Il sait ce que tu vas devenir. Yeah. La raison pour laquelle tes parents t'envoient 100 000 CFA et non pas 250 000 comme l'autre, c'est parce que Dieu sait. Il te connaît. Amen. Pour certaines personnes, vous ne recevez pas, c'est pour vous garder humble. Parce que vous avez tendance à être un peu trop orgueilleux. Amen. Donc, priez pour votre pain quotidien. Ce dont vous avez besoin pour survivre. Si Dieu ajoute, c'est une bénédiction. Amen. Et lorsque les bénédictions arrivent, utilise la sagesse pour gérer. Amen. Yeah. Priez. N'insultez pas les parents. Priez pour eux. Ne comparez pas votre famille à la famille de l'autre famille. Priez pour votre famille. Amen. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas de quoi ou par quoi vos parents passent. Vous n'avez aucune idée. Amen. Et si vous priez, Dieu peut vous révéler ça. Ah, papa m'a envoyé un iPad. Papa m'a envoyé un iPad. Et papa m'a envoyé... What do the papas envoie? Un laptop. Papa t'a envoyé un laptop. Est-ce que tu as prié pour papa depuis que tu as reçu le laptop? Ou tu as regardé, oh, il m'a envoyé HP, moi je voulais Apple. Oh. Je voulais Apple. Tu voulais paix, you know paix. Priez. Le pain quotidien, c'est vos parents qui vont fournir. Il va passer par la famille. Il va passer par ceux qui sont responsables dans votre vie. Et priez pour ceux qui ont autorité dans votre vie. Amen. Oui, parce que si vous êtes au Ghana et vous ne priez pas pour John Mahama, vous aurez des problèmes. Chaque décision, I'm telling you, c'est parce que vous n'avez pas prié pour eux. C'est pourquoi maintenant vous devez payer la carte de non-citoyen. De combien de... How much is it now? How many? 170 Ghana cedis. $120. 280 Ghana cedis. The door. Et puis les frais d'immigration aussi ont augmenté. Ah, c'est parce que vous n'avez pas prié. Priez pour la faveur. Priez pour les gens qui sont en autorité. Pour que quand ils reçoivent l'argent, ils utilisent ça sagement. Ils augmentent tout. TVA, tout a augmenté. Bientôt, l'essence va augmenter aussi. Encore. Parce qu'ils bouffent. Quand l'argent vient, ils mangent. Quand ils viennent, ils mangent. Et après, toujours, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Devant des milliards de dollars en prêt, ils bouffent. Si nous prions, nous ne prions pas pour ceux qui sont en autorité. C'est nous qui allons payer. Nous allons continuer à payer jusqu'à... Amen. Et ça va atteindre notre pain. Ça va toucher à la taille de notre pain. Ça va diminuer. Quand tu achètes un pain à 50 pesos aujourd'hui, demain, on dirait que le pain a rétréci, a backslide. Amen. Hallelujah. Are you listening to me? Priez notre pain quotidien. Seigneur, tu sais de quoi j'ai besoin. Tu sais. J'ai besoin d'aller à l'école. Donc je dois payer la scolarité. Je dois manger. Je dois payer le loyer. Je dois payer l'électricité. Je dois payer l'eau. Le transport. Seigneur, tu sais. Les vêtements. Je dois être quand même présentable. Je te représente sur cette terre. Donne-moi le pain quotidien. Amen. Hallelujah. It is an important prayer qui doit normalement durer un peu. Volonté, ta volonté soit faite et puis donne-nous aujourd'hui. Ça là, c'est une heure. Vous avez des sujets de prière. Mon frère, c'est la paresse qui vous empêche de prier. C'est parce que vous ne savez pas quoi dire pendant une heure. Amen. Il faut qu'on prie. Il faut que l'avenir soit meilleur. Amen. Et lorsque vous priez, vous allez voir que votre famille aussi sera bénie. Amen. C'est important. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Wow. Amen. Dieu va nous bénir. Alors que nous prions. Next one. This one. Ça aussi, ça peut durer un an. Priez pour le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Premièrement, pardonne-nous. Tu sais que tu as péché. Tu sais que tu as commis des offenses. Tu sais que tu as offensé Dieu. Tu sais, toi-même tu sais. Hallelujah. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Il y a deux sortes de péchés. Les péchés de commission, donc les péchés que vous commettez, et les péchés d'omission, c'est-à-dire les péchés des choses que vous deviez faire que vous n'avez pas fait. Ça aussi, c'est un péché. Parce que la Bible dit que si vous savez ce qui est bon à faire et vous ne le faites pas, c'est un péché. C'est-à-dire, si vous savez que votre frère n'est pas sauvé et vous êtes avec lui toute la journée, vous mangez avec lui, vous rigolez, vous passez la nuit ensemble et vous ne parlez pas de Jésus, vous avez péché. C'est pas seulement la fornication qui est un péché. Amen. C'est pas seulement voler qui est un péché. Il y a des péchés que vous faites par ne pas, en ne pas faire, hein? En ne faisant pas. Yeah. Par omission. C'est important de demander pardon. Quand vous vous levez le matin, demandez pardon. Père, pardonne-moi. Peut-être j'ai commis des péchés dans mes rêves. Yeah. Certains d'entre vous, vos rêves sont bizarres. Si seulement on pouvait brancher votre cerveau à l'écran pour savoir de quoi vous rêvez. You'll be shocked. Amen. Pardonne-nous nos offenses. Avant de vous coucher la nuit, Seigneur, je sais que j'ai péché aujourd'hui là. Je sais que j'ai beaucoup péché. Pardonne-moi. Peut-être que je devais faire quelque chose et j'ai oublié de le faire. Pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir évangélisé quand il fallait, quand l'occasion s'est présentée. Pardonne-moi de ne pas avoir montré la bonté ou être gentil envers le mendiant au feu rouge. Aujourd'hui, en venant, j'ai péché. Il y avait un trottoir qui, devant moi, il roulait lentement. It was annoying me. Donc, j'ai voulu dépasser. Et quand il me demande, mais pourquoi? J'ai dit, oh, girl. Et après, je me suis dit, s'il y a des membres de l'église qui sont dans ce trottoir, ils vont me suivre. Et je priais que le trottoir ne me voit pas en train de tourner pour entrer à la Kodesh. So I was going fast. So I have to pray for forgiveness. Que le Seigneur me pardonne. Amen. Et toi aussi, tu dois demander pardon. C'est pas moi seul qui pêche. C'est pas moi seul qui a péché. Olivier, tu n'as pas péché. With your innocent face. Il a péché. Il dit fully. Donc vous aussi, vous devez demander pardon. Amen. Même la petite innocente. Beaucoup de péchés dans ce petit corps. Amen. Pardonne-nous nos offenses. Nous sommes vite à juger les autres. À voir la faute. Les offenses des autres. Et Lady Pastor, les choristes, les choristes. Et vous? What about you? Amen. Pardonne-moi mes offenses d'abord. Avant de pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est important de demander pardon régulièrement. Amen. Régulièrement. Parce que vous n'êtes pas aussi innocent que vous prétendez. Amen. Vous n'êtes pas aussi innocent, aussi parfait que vous ne croyez. En fait, vous n'êtes pas parfait du tout. C'est moi qui vous dis. Yeah. Tu n'es pas, dis à ton voisin, frère, tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait. Arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant. Élie, tu n'es pas parfait. Arrête de faire cette tête d'innocence. Amen. Pardonne-nous nos offenses. Seigneur, j'étais offensé, je sais, même si je ne sais pas, mais il doit y avoir quelque chose que j'ai fait ou j'ai pensé qui t'a pas plu. Pardonne-moi. I'm sorry. Wash me. Tous les jours, régulièrement, tu dois être lavé par le sang de Jésus. Parce que si tu meurs aujourd'hui avant de demander pardon, au moins, la demande d'hier va te couvrir. Et les péchés entre hier et aujourd'hui, c'est quand même pas beaucoup. C'est réduit. Amen. Mais si ça fait un an depuis ta dernière confession, ou ça fait un mois si t'as depuis, you be in big trouble. Amen. Quand tu demandes le pain, en même temps tu demandes pardon. Tu demandes pardon d'avoir demandé le pain. Peut-être qu'il ne fallait pas demander le pain. Amen. Pardonne-nous nos offenses. Parce que tu as offensé quelqu'un. Tu penses seulement aux offenses que les gens t'ont commis envers toi. Pense aussi aux offenses que toi tu as commises. Ils sont nombreux. Yeah. Tu dois demander pardon, même si je ne vais pas voir le chauffeur de trottoir. Dieu le connaît. Donc je vais demander pardon. J'ai déjà demandé. Dis Seigneur, oh, I'm sorry. Et j'ai demandé pardon parce que je ne savais pas s'il y avait des membres de l'église qui étaient dans le trottoir. Dieu sait. Donc même Lady Reverend doit demander pardon. What about you? And you? Yeah. Amen. Il faut arrêter de penser aux offenses des autres. Parce que toi aussi, tu as offensé quelqu'un. Avec ton visage innocent. Yeah. Yeah. God, when you look at some people, as if... comme des anges. Like holy. Look at her name. Même son nom. Le nom, c'est holy. Holy veut dire saint. Regarde son visage innocent. Holy, ne cache pas le visage. Est-ce qu'elle n'a pas l'air holy? Yes. Holy, tu as péché, non? Tu as offensé quelqu'un, non? Yeah. Donc nous tous, nous devons demander, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, parce qu'ils sont nombreux. Plus au pluriel. Nos offenses au pluriel. Yeah. Tous les jours, plusieurs offenses. Tu as offensé quelqu'un. Arrête de jouer à la victime tout le temps. C'est toujours toi qu'on a offensé. C'est toujours toi qui es blessé. C'est toujours toi qui es gêné. C'est toujours toi qu'on a oublié. C'est toujours toi qu'on a mal à qui on a mal parlé. Toujours toi. Ah! Oui! Oui! Toujours toi la victime. Oh, pourquoi moi? Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Ah. Mais si on ne t'offense pas, on va offenser qui? Ah. Pourquoi pas toi? Toi, tu ne devrais pas être offensé. Toi, tu ne devrais pas être blessé. Toi, on ne doit pas t'oublier. Pourquoi? Pardonne-nous nos offenses. Après avoir demandé pardon pour tes offenses, maintenant, tu dois pardonner ceux qui vous ont offensé. Tu dois absolument. It is imperative. Tu es obligé. Si tu portes le nom de Dieu, là, tu es chrétien. Tu es obligé. Obligé. C'est un sujet que tu dois affronter. Tu dois faire face à ça. Tu es obligé. You have to. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de raison. Même si la personne est le monstre de, je sais pas où, tu dois le pardonner. Hey! J'ai entendu à la radio, un homme de, je sais pas, 56 ans ou je sais pas quoi, a violé une fille de 4 ans. On l'a arrêté, il est parti en justice ou je ne sais pas où, et le juge lui a demandé de payer une amende de 2000 Ghana et il est libre aujourd'hui alors que nous parlons. Vous savez, c'est peut-être même pas la faute du juge, peut-être les parents de l'enfant. Ils ont vu une occasion d'avoir un peu d'argent. Ils ont demandé qu'il paye. Et puis c'est fini. Voilà pourquoi nous devons prier. Yeah. 2000 Ghana après avoir violé un enfant de 4 ans. 4 ans, c'est quel âge? Tu cherches quoi chez un enfant de 4 ans? I mean, what kind of, what satisfaction will you get? Ah bah! Tu n'es même pas un animal, tu es... Je ne sais pas ce que tu es. Un sorcier. 4 ans! Elvis, Senna is 4, 5. Senna. Même Senna a 5 ans. Toi, tu as 56 ans. Est-ce que tu n'as pas de l'argent pour aller à SEC payer une prostituée? Je ne sais pas combien ça coûte. Est-ce que quelqu'un sait combien ça coûte? Je ne sais pas combien ça coûte. 5,000. 5 CDs. Wow. 5 Ghana CDs. 5 Ghana CDs. Même si tu veux pécher. Shh, listen to me. Même si tu veux pécher, au moins si tu voles le portable de quelqu'un, tu vends pour payer la prostituée. Est-ce que c'est pas mieux que de violer un enfant de 4 ans? Parce que de toute façon, tu vas pécher, non? Donc il faut réduire au moins l'effet de ton péché. Oh! Je parle du pardon. Cet enfant doit grandir un jour pardonné. She has to. Si elle est chrétienne. Some of these people, quand elles sont violées comme ça, après les problèmes médicaux qu'elles ont, vraiment irréparables. Irréparables. C'est pas comment 2000 peut faire quelque chose. I don't know. Elle est obligée de pardonner. Hey! Le pardon, c'est une des choses, sinon la chose la plus difficile dans la vie d'un chrétien. Le pardon. Mais c'est la seule chose que Dieu dit, si tu ne fais pas, lui aussi il ne fait pas. Hey! Si tu ne le fais pas, lui aussi il ne fait pas. C'est essentiel que tu pries. Et tu pries dans cette prière, tu dis, Seigneur, donne-moi le courage de pardonner. Je sais que de ma propre force, je ne pourrai pas. De ma propre force, je ne pourrai pas. Mais je sais que je suis obligée de le faire. Pour ma santé, pour mon bien-être, pour mon équilibre, mon épanouissement, pour ma survie, je suis obligée. Je vais pardonner, mais aide-moi de surmonter la douleur et l'effet de ce que cette personne m'a fait. C'est Dieu seul qui peut t'aider. Amen. C'est Dieu seul qui peut t'aider. Récemment, je vais vous dire un secret. J'ai vu une certaine dame qui m'a offensée. Et j'avais dit que je l'avais pardonné. Depuis, il dit, oh, c'est pas grave. Elle m'a fait quelque chose. J'étais tellement surprise et... Mais je me suis dit, je l'ai pardonné. J'ai même fait la prière, oh, pardonne-moi. Comme je pardonne, j'ai mis son nom. J'étais free. Free, oh. Mais il y a juste quelques jours, j'étais à Osu. J'étais garée. J'étais sur le point d'entrer dans ma voiture. Je me suis garée pour aller chercher de l'argent, ATM. J'étais bénie. Parce que parfois, quand tu vas, il n'y a rien. Quand tu vas au ATM et tu mets 100 Ghana, insufficient nuka nuka fans. Tu regardes, dis, ok. Do you want to try again? Yes. Tu mets 50 Ghana insufficient fans. Do you want to try? Yes. Et là, tu fais balance inquiry. Tu demandes d'avoir combien est-ce que j'ai. Mais cette fois-ci, quand je suis allée, j'ai mis la carte. J'ai... Et puis c'est sorti. Le montant que je voulais est sorti. J'ai pris ma carte. Je suis entrée dans ma voiture. J'ai mis le clim. Qui est-ce que je vois? Cette femme marchait et elle transpirait. Je la regarde. Je dis, je ne vais pas te donner un lift. Je ne vais pas te donner un lift. Puis j'ai démarré. J'attendais. Je n'ai même pas démarré. Je voulais qu'elle passe. Parce que si je démarrais, elle allait tourner pour voir qui était dans la voiture. Et elle allait me voir. Donc, j'attendais. Quand elle est passée, j'ai démarré. J'ai mis le clim. Et puis je suis passée de l'autre côté. Et je me suis dit, c'est bien fait pour toi. Forgive. C'est là où je me suis rendu compte que je ne l'avais pas vraiment pardonné. Et j'étais surprise. Parce que je connais cette femme-là. Je ne peux pas oublier cette femme. Et je croyais que j'avais pardonné à cette femme. Parce que ça date depuis. Mais quand je l'ai vue et je me suis dit, je ne vais pas te donner un lift. Je savais que ton pardon-là n'était pas vrai. Yeah. Parce que c'est pas que je ne l'ai pas vu, je la vois et on part. Mais ce jour-ci, je trouvais plaisir dans le fait que j'étais dans une voiture et elle marchait. Elle avait chaud, elle était au soleil et ma voiture était climatisée. Yeah, what a shock! Yeah, Lady Reverend. Ouais. J'ai péché, donc je demande pardon. Toi, qui me regardes comme si tu n'as jamais fait une chose pareille. Tu me regardes, tu es choqué. Dis, oh, Lady Pasteur, oh, même les pasteurs font ça. Mais c'est, Lady Pasteur, c'est différent parce que toi, tu es pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Je ne suis même pas berger. Mais devant Dieu, il n'y a pas de reverend, ni de berger, ni de... Tu es né de nouveau un jour, tu es la même. Amen. Do you understand? Si je suis jugé plus sévèrement, c'est parce que je prêche la parole. Yeah. Amen. But, devant Dieu, un péché, c'est un péché. Il n'y a pas de péché qui pèse plus que l'autre. Tu comprends? Donc, toi aussi, tu dois pardonner. Yeah. Il y a certaines maladies qui viennent parce que la personne n'a pas pardonné. Les ulcères, par exemple. Ça, c'est une maladie que les gens qui n'arrivent pas à pardonner souffrent. Dont ils souffrent beaucoup, les ulcères. Yeah. L'arthrose is another one. Quand vous vieillissez, les os sont raides comme ça. Il y a mal ici, il y a mal. C'est pas scientifique, c'est juste. On dit, ah, Lady Pasteur a dit que c'est. Non. Amen. Donc, si tu veux vivre longtemps en bonne santé, hein? Apprenez à pardonner. Amen. Apprenez à vraiment pardonner. Yeah. Il y a le pardon, il y a le pardon. Il y a dire que j'ai pardonné, il y a vraiment pardonné. Yeah. Pardonner et oublier. Oublier ne veut pas dire que c'est effacé de ton mémoire. Ça, c'est Dieu qui efface. Tu vas te souvenir, mais oublier le mal que cette personne t'a fait. Sois capable de lui donner un lift. De lui demander, oh, tu vas où? Tu peux t'amener Est-ce que tu vas bien? Ta santé? Que Dieu soit loué. Monte dans la voiture. Je mets le clim. Est-ce que tu es confortable? On peut démarrer. Tu vas où? À Sec. Sec où? Ok, moi je partais à Téchi, mais je vais te déposer à Sec. Hey! Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est à celui qui t'a offensé que tu dois pardonner. Ce n'est pas à celui qui t'a aimé. Amen. Hein? C'est à ceux qui t'ont offensé, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont critiqué, ceux qui ont menti sur toi, ceux qui t'ont poignardé dans le dos. Yeah! C'est à eux que tu dois pardonner. À ceux qui volent les laptops. À ceux qui ont volé ton passeport, Olivier. C'est à ceux. Yeah. Ceux qui ont emprunté de l'argent, ils n'ont pas remboursé jusqu'à présent. Et à cause de ça, tu ne peux pas payer ton loyer. Pardonnez. Amen. Priez pour le pardon. Ça, c'est déjà une heure de prière. On a déjà fait 2 heures de prière. Oh. I've almost finished. Next one. Priez contre la tentation. Contre la tentation. Et ne nous induis pas en tentation. Et ne nous induis pas en tentation. Parce que tentation, tu auras. Tu seras tenté dès que tu ouvres les yeux le matin. Il y aura des tentations. Ce qui te tente est différent de ce qui tente l'autre. Yeah. Tu ne seras jamais tenté par un enfant de 4 ans. Mais quelqu'un sera tenté par un enfant de 4 ans. Ne nous induis pas en tentation. Certains seront tentés par la nourriture pendant le jeûne. Et Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Je veux jeûner. Et je veux faire la prière. Ne me induis pas en tentation. Ne permets pas à ce que je sois tenté au-delà de mes forces pendant les jours à venir. C'est un sujet de prière. C'est un sujet de prière. Amen. Ne pensez pas que vous allez prier 100 heures facilement. Le diable ne voudra pas. You understand? Il ne voudra pas. Donc priez pour que vous ne soyez pas tentés de dormir tard. Pour vous réveiller tôt, tard. You understand what I'm saying? Yeah. Ne nous induis pas en tentation. Ah. Amen. Mais délivre-nous du malin. Il y a un malin qui essaie de nous faire tomber. Il y a quelqu'un qui s'appelle le malin. Et il veut que tu tombes. Il veut que tu sois... Tu tombes dans la tentation. Que tu sois bloqué, demeuré. Tu demeures dans la tentation. Que tu ne sois pas capable de surmonter. You understand? Il veut que tu échoues. Et ta prière, c'est délivre-moi de cette personnalité. Délivre-moi d'une personne qui va me tenter au point où je vais tomber. Délivre-moi des chauffeurs de trottoir qui vont me tenter à mal me comporter. Délivre-moi des gens qui vont m'obliger à mal parler. Délivre-moi. Ça ne viendrait pas comme tu es un chrétien, donc tu ne vas pas être impoli. Tu es capable d'être impoli, n'est-ce pas? Yeah. Très impoli même. Plus qu'un païen. Tu es capable de gifler quelqu'un. Donc priez. Priez. Tu es capable de dire, ok, tu sais quoi? Mettons la Bible de côté, toi et moi. Mettons la parole de Dieu de côté. Là, tu vas voir. Nous sommes tous capables de nous comporter comme ça. Amen. Donc, priez. Seigneur, je ne veux pas être tenté à mal me comporter aujourd'hui. Tous les jours, tu pries. Aujourd'hui, je ne veux pas montrer cet aspect de ma vie. Je ne veux pas. Ne m'induis pas en tentation. Et délivre-moi du malin. Parce que je sais que le malin va me tenter. Il va chercher ma bouche aujourd'hui. Et je refuse de parler. Amen. Je refuse de céder. Certaines femmes, vous demandez pourquoi personne ne vient vous proposer. C'est à cause de votre bouche. Vous êtes trop impoli. Quand vous ouvrez la bouche là, c'est pour... Priez! Priez! Priez! Yeah. Priez! Tu es trop sauvage. Tu parles n'importe comment. Tu dis n'importe quoi. Quand tu veux. Quand tu veux. Où tu veux. Priez. Que Dieu met un cadenas sur ta bouche. Priez. Cadenas spirituel. Amen. Yeah. Ne m'induis pas en tentation. Délivre-moi du malin. Parce qu'il va me tenter. Il va me tenter à parler. Je ne veux plus être cette vieille personne. Maintenant, je suis chrétienne. Je suis née de nouveau. Je suis lavée par le sang. Je veux refléter cette gloire qui est en moi. Ne m'induis pas en tentation. Amen. Et les hommes aussi. Vous devez prier. Priez. Vous connaissez vos tentations. Vous connaissez les choses qui vous tentent. Le malin peut être habillé en Miss Malaika. Miss Malaika. Elle tourne comme ça et puis elle fait comme ça avec ses cheveux. Tu commences à tomber. Délivre-moi du malin, même si elle ressemble à Miss Malaika. Même si elle chante comme un ange. Délivre-moi du malin. Ou de la maligne. La femme étrangère. Délivre-moi. Ce n'est pas une chose facile. Ça n'est pas évident. Toi-même, tu connais ton histoire. Tu connais ta force. Tu connais tes capacités. Priez. Chabaya. Priez. It's a very important prayer. Quand vous vous levez le matin, vous ne savez pas quel malin vous attend à la porte. Malin. Il dit, oh frère, ça va? Je vais au marché. Tu veux que j'achète quelque chose pour toi? Oh, ça ne gêne pas. Je vais au marché. Je fais mes propres courses. Tu peux acheter, je sais où on achète des tomates à bon prix. Oui, dis que, oh, il n'y a pas de problème, je reviens tout de suite. Et tu dis, oh, mais quelle bénédiction. Oh, il y a des filles gentilles dans ce monde. Tu ne sais pas quelle tentation elle va chercher pour t'amener avec les tomates. Oh, voici les tomates. Tu veux que je prépare pour toi? Je connais, tu sais, il y a une sauce que ma maman faisait. C'est 10 minutes. Oh, laisse-moi te... Tu t'es jamais béni. Et puis elle va utiliser un langage spirituel. Je t'ai jamais béni. Donc je vais préparer. Je peux préparer et puis amener ou je peux préparer dans ta cuisine. Comme tu veux, hein. Comme tu veux. Ok, je vais préparer, j'amène, ok. Oh, mais elle est gentille. Oh, si ma bien-aimée était comme ça. Regarde comment elle parle doucement. Ma bien-aimée, elle crie tout le temps. Et elle me parle n'importe comment. Oh, elle est gentille. Et elle veut préparer, tu vois. Si elle avait des mauvaises intentions, elle allait insister pour préparer chez moi. Mais elle a dit qu'elle va préparer et amener. Oh. Ça, ce sont les chrétiens qu'on cherche aujourd'hui. Vous ne savez pas quelle vipère vous êtes en train de permettre d'entrer dans votre maison et dans votre vie. C'est un piège. V majuscule. Mais si vous priez, j'ai dit que si vous priez, délivre-moi du malin. Quand elle va partir au marché, elle va perdre ton argent. Elle ne sera pas capable. Elle va dire, oh, frère, pardon, je ne sais pas où j'ai mis ton argent. Je ne sais pas. Elle ne pourra plus revenir chez toi. Priez. Priez. Amen. Is it a good prayer? Contre la tentation. Et délivre-nous du malin. Il y a un certain malin qui peut agir facilement dans ta vie. Priez. Que Dieu vous délivre. Pour certains, c'est de l'argent. Pour certains, c'est votre comportement. Et priez. Dieu est capable de nous délivrer de tout mal et de tout malin. Amen. Mais il faut prier. La prière, c'est la chose qui déclenche ou ce qui permet, si vous voulez, à Dieu d'agir dans notre vie. Amen. Vous ne pouvez pas vous fier de votre propre force et votre propre capacité. Parce que vous-même, vous savez, depuis quand vous essayez d'arrêter, vous savez que vous avez essayé. L'esprit veut bien. L'esprit veut bien. Votre esprit est très spirituel. Votre esprit est très spirituel. Il est saint. Votre esprit veut bien. Votre esprit a la volonté. L'esprit veut bien. Est-ce que tu ne veux pas être saint? Mais votre chair est faible. Amen. Votre chair est faible. Junior, votre chair est faible. bread, your chair is too weak. Trop. Amen. Voilà pourquoi il faut prier. Don't depend on your Healing Jesus crusade. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Votre chair va vous décevoir. Amen. Vous pouvez vous lever et dire, aujourd'hui là, je joue. Je ne vais plus tomber. L'esprit veut bien. C'est wallahi, today be today. I will never do it again. Dès que tu sors, même avant d'ouvrir la porte, la pensée qui va traverser, tu verras que toi-même tu es faible. Amen. Donc il faut prier avant d'ouvrir la porte, avant de quitter ta chambre. Il faut prier. Il faut prier. Amen. Alléluia. Et Dieu va t'aider. Amen. Il est obligé. Amen. Priez. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alléluia. Il va vous délivrer. Il va garder ses promesses. Mais c'est à toi de demander. C'est à toi d'ouvrir la porte. À toi de libérer Dieu. C'est comme s'il est bloqué. Et c'est par ta prière qu'il peut agir. Amen. Il nous attend. Il est sur son trône et il dit, viens, viens, approche-toi du trône. Rien ne nous sépare. Viens me demander ce que tu voudras. Et je suis obligé d'agir dans ta vie. Amen. Combien de personnes vont prier? Combien vont prier? Alléluia. Et j'espère que Dieu, je sais que Dieu va nous exaucer. Alléluia. Cette année sera une année différente. Amen. Cette année sera une année de victoire. Nous allons monter plus haut avec le Seigneur. Nous allons atteindre des niveaux que nous n'avons jamais atteints. Amen. Ce que tu trouvais difficile pour faire, à faire en 2013, en 2014 sera facile. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de prier. Amen. Levez-vous, nous avons terminé. Alléluia. Amen. Et quand vous terminez, avant de quitter la maison, n'oubliez pas de remercier Dieu. Parce qu'il dit que lorsque vous demandez, il exauce. Donc vous remerciez Dieu pour la réponse à vos prières. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce message, Seigneur. Merci d'avoir ouvert nos yeux par rapport à la prière et l'importance de la prière. Seigneur, aide-nous à prier davantage. Aide-nous à prier sincèrement. Aide-nous, Seigneur, à surmonter les obstacles de l'année 2013. Les choses qui nous ont empêchés de prier et de prier correctement. En 2014, Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Seigneur, garde-nous. Délivre-nous du malin, Seigneur. Les choses qui vont nous empêcher de prier. Fais de nous des hommes et des femmes de prière, Seigneur. Fais de moi quelqu'un qui prie beaucoup. Fais de moi quelqu'un qui intercède beaucoup. Fais de moi quelqu'un qui aime la prière. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette année et les choses que tu as préparées pour moi. Merci pour les victoires que je vais gagner, Seigneur, cette année. Merci pour les obstacles que je vais surmonter cette année, Seigneur. Par la prière. Par la prière. Je te bénis, je te remercie, Seigneur. Délivre-moi du malin. Délivre-moi, Seigneur, du mal. Je te remercie et je te bénis encore. pour cette opportunité d'écouter un tel message. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la vie de tout le monde ici présent, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les victoires. Oh, Seigneur, merci de transformer nos vies par la prière. Merci pour un bel avenir, Seigneur, à cause de la prière ou grâce à la prière. Merci pour le changement dans nos familles grâce à la prière. Merci pour les portes que tu vas ouvrir pour nos parents, pour nous-mêmes, à cause de cette prière. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons continuer dans la prière. Si vous êtes ici cet après-midi, vous êtes venu, peut-être quelqu'un vous a invité, ou vous venez d'habitude, mais vous savez que vous n'êtes pas né de nouveau. Ne jouez pas avec le Seigneur. Aujourd'hui, prenez une décision. Dites à vous-même que je suis fatigué de jouer chaud aujourd'hui et froid demain. Je suis fatigué de faire semblant d'être chrétien, faire semblant d'être croyant, faire semblant d'être quelqu'un qui sert Dieu. Et en réalité, je sais que je ne suis pas sérieux. Je ne sais pas si je meurs aujourd'hui, si j'irai au ciel ou à l'enfer. Seigneur, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je veux prendre une décision. Je veux te donner le contrôle absolu de ma vie. Je veux marcher avec toi. Je veux te servir. Je veux être chrétienne née de nouveau. Un croyant qui est sûr, assuré de son salut. Lévi Pasteur, prie pour moi. Aujourd'hui, je veux prendre une décision. Je suis fatiguée de faire tout avec ma propre force. Aujourd'hui, je veux prendre une décision. Et je veux que le Seigneur marche de mes côtés. Je veux qu'il soit au contrôle de ma vie. Je veux aller au ciel. Je veux être sauvé. Si tu es là comme ça, mon frère, je veux prier pour toi. Lève la main. Ma soeur, n'hésite pas. Tu n'es pas chrétien parce que ta famille est chrétienne. Tu es chrétien parce que tu as cru en Jésus. Et tu veux le servir. Et tu lui as invité, tu l'as invité dans ton cœur. Lève la main, je veux voir ta main. Lève la main très haute. Mon frère derrière, que Dieu te bénisse. Tu veux faire cette prière aujourd'hui, lève la main. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Nous allons prier ensemble. Si tu as levé la main, mon frère, je veux prier pour toi. Viens devant. Viens. Viens vers moi. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Viens devant. Tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Viens, viens. Tu veux te soumettre à la parole. Tu veux donner ta vie à Jésus. Merci Seigneur. Viens petit, je t'attends. Viens. Soyez bénis, soyez bénis. En tous les dames, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Ceux qui sont devant, vous allez répéter cette prière et prier sincèrement. Dieu va changer votre vie. Je vais inviter tout le monde à aussi participer. Fermez les yeux et prions. Seigneur Jésus, merci. Merci de m'avoir parlé. S'il vous plaît, répétez après moi. Merci de m'avoir parlé. Ce matin, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour toutes mes erreurs. Aujourd'hui, Seigneur, lave-moi, purifie-moi par ton sang précieux. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais te servir et je vais te suivre. Merci de m'avoir sauvé. Satan, écoute-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, je ne te suivrai plus. Je ne te servirai plus. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. J'ai choisi Jésus. Il est mon seul maître. Il est mon Seigneur. Seigneur Jésus, Merci de m'avoir accepté tel que je suis. Fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'appartiens. Je suis né de nouveau. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je t'aime. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Et merci pour ton salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Mon frère, ne partez pas encore. Vous voyez le frère ici? Il va vous dire un mot, hein, pour vous aider. Ok? Donc, il faut le suivre. Il va vous parler. Et après, vous allez gagner vos places. Acclamez très fort le Seigneur. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, LCI, La Belle Église, pour plus de messages. Soyez bénis.